toi je peine, sans toi je suis perdu. Sans toi je saigne, sans toi je ne sais plus. Sans toi c'est trop, je reste à bout de mots. Sur cette mélodie, mon esprit s'envole, c'est comme si tu étais là tout près de moi. Nos deux cœurs pour toujours réunis. Tous ces souvenirs restés gravés en moi. Et notre enfant que tu as laissé là. Tu n'es plus là. Soudain la vie t'a éloigné de moi. Pour trouver la force de vivre sans toi. Si loin de moi. Ta disparition m'a déchiré. Et a fermé les portes de mon cœur. C'est comme une âme en peine, je ne me reconnais plus. Dans nos poèmes, on disait qu'on se quitterait plus. Sans toi, c'est trop, je reste à bout de mots. Confronté aux réalités de la vie, je regarde notre enfant insoumis. Quelle infamie pour un si petit bébé. L'amour d'une mère qu'il va ignorer. Et comment le regarder dans les yeux. Vous vous ressemblez tellement tous les deux. Mais tu n'es plus là. Soudain la vie t'a éloigné de moi. Trouver la force pour vivre sans toi. Si loin de moi. Ta disparition m'a déchiré. Tu sais, hey, hey, hey, hey. Oh, yeah. Hey, hey, hey, hey. Avec le temps, on déconne nos rideaux, mais tout reste malgré tout. Toujours gravé en moi, en moi, en moi. Avec le temps, dès qu'on oublie tout, mais tout reste malgré tout. Notre dernier rendez-vous restera toujours gravé en moi, en moi, en moi. Je me rappelle de tout, jusqu'à ce dernier rendez-vous. Je me rappelle de nous, je m'en rappellerai jusqu'au bout. Je me rappelle de toi, qu'on me rappelle la douleur. Parfois j'entends ta voix, c'est trop dur sans toi, je me meurs.